13h44. Je suis précis en ce samedi après-midi 6 octobre, jour des portes ouvertes. L'annonce est faite, hein. Venez ici, venez nous rencontrer, visiter les studios, peut-être participer à des émissions, intervenir, voir les artistes ou autres personnes qui seront présentes, comme c'est le cas maintenant, puisqu'il y a monsieur le député Christophe Nejlen, député de la 3e circonscription des Vosges, autrement dit celle qui nous intéresse. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas seul, hein, il y a des membres de l'équipe. Julien Demange, président de Radio Gémozo. Bonjour. Et nous, l'animatrice que vous connaissez, que vous pouvez entendre tous les jours à 18h dans l'heure des loups. Oui, bonjour tout le monde. Notre idée en vous recevant, c'est de faire plus ample connaissance avec vous. Mais avec plaisir. On aimerait bien, déjà, avant d'en arriver à être député, votre parcours, et notamment les études. Alors, j'ai toujours été très ancré dans les Vosges et dans la montagne vosgienne, donc issu de Saint-Maurice-sur-Moselle. J'ai fait mes études au TIO, puis au lycée André Malraux à Remiremont. Puis je suis parti un an aux États-Unis et je suis revenu faire des études supérieures à Nancy, puis à Rouen. Et pendant mes études à Rouen, je suis parti un an en Chine avant de revenir à Rouen, d'être diplômé et de travailler pendant 3-4 ans pour un laboratoire pharmaceutique vétérinaire qui était une entreprise familiale aussi, qui se situe en Haute-Saône, l'entreprise Vetoquinol, pour laquelle j'étais responsable du développement pour l'Europe et principalement l'Europe de l'Est. Et j'ai démissionné en 2010 pour revenir reprendre l'entreprise familiale, toujours à Saint-Maurice-sur-Moselle, les meubles Spiller, dans la continuité de mon père et de Coco Spiller avant lui. Quels étaient les diplômes obtenus ? Alors, j'ai une licence d'une école de commerce post-bac qui s'appelle SUPEST à Nancy et de l'ESC Rouen, qui est l'école supérieure de commerce à Rouen, avec une majeure en audit et expertise comptable. Alors, l'entreprise familiale, est-ce que vous la dirigez encore ? Il s'agit de l'entreprise Spiller ? Bien sûr, je la dirige toujours. Et d'ailleurs, j'avais fait campagne, lors de ma campagne, je l'avais dit que je continuerais à diriger l'entreprise, parce que pour moi, un élu national notamment, doit garder un pied dans le monde du travail, doit garder un pied au plus proche des gens, et non pas faire que de la politique politicienne, parce que quand on est sur Paris, quand on est dans l'entre-soi parisien, c'est très facile d'être déconnecté du terrain. Moi, en travaillant, alors, en faisant grosso modo à peu près 90-95 heures par semaine, je fais 60-70 heures pour la députation, j'en fais 20-25 heures pour mon entreprise, dans laquelle, bien entendu, j'ai délégué une certaine partie de mes responsabilités, mais néanmoins, ça me permet d'avoir 20-25 heures où je suis présent, où je vois les problématiques des entreprises que sont les charges à la fin du mois, les impôts qu'on a à payer, discuter aussi avec les clients, discuter avec les personnes du terrain, du quotidien des Français. Je le fais en tant que député quand je vais dans des associations, quand je vais dans des manifestations et que j'échange avec nos concitoyens, mais ça me permet aussi de le faire au magasin dans un autre cadre. D'ailleurs, on en profite pour dire que vous pouvez rencontrer le député à sa permanence le vendredi matin sous... Vendredi toute la journée. Toute la journée. Il faut bien sûr prendre rendez-vous c'est au préalable. C'est ça, tout à fait. Bon, il y a de quoi faire, puisque vous allez sur Internet, vous tapez Christophe Nejlen, il n'y a pas besoin de préciser député, et vous avez le site nejlen.fr, je c'est crois. C'est ça, tout à fait. Et puis Twitter, Facebook. On va quand même signaler la permanence, même quand vous n'y êtes pas. Vous y êtes le vendredi, elle est ouverte de 9h à midi, de 13h30 à 17h30. On peut prendre rendez-vous à ces moments-là. Le numéro de téléphone est le suivant, 03 29 22 30 65, 03 29 22 30 65, et elle se situe, cette permanence, au 78 boulevard Thiers. 78 Quater, attention, parce qu'il y a plusieurs 78, donc moi c'est le 78 Quater boulevard Thiers. C'est anciennement Saint-Joseph. Exactement. Quel a été le déclic d'entrepreneur ? Alors, vous l'êtes encore, on l'a compris. Et ensuite, devenir député. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous présenter aux législatives l'été, pas cet été, l'été d'avant, puisque ça fait déjà 16 mois que vous êtes en action comme député. Tout à fait. Alors, c'est deux choses. Déjà, c'est l'amour des Vosges de notre territoire, clairement, parce que je suis issu de ce sérail et une vraie volonté de m'investir pour notre territoire, pour nos montagnes vosgiennes. Et aussi, en tant que député, où nous avons un rôle national, d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice dans l'élaboration des lois, dans le contrôle de l'action du gouvernement, et des fois des choses qui me paraissaient injustes, pas de bon sens, et ben voilà, là, une envie d'apporter un peu de pragmatisme du terrain. Il n'y a pas eu de déclic en particulier ? Quelque chose qui vous a fait dire, là il faut que moi je puisse être dans l'action, aider les concitoyens ? C'est pas une le déclic, il a eu lieu, mais c'était pas un événement particulier, c'était pas un moment particulier. Ça a été une réflexion, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes quand vous dirigez une entreprise, quand vous êtes acteur, quand vous avez des responsabilités, vous ne prenez pas des décisions sur un déclic. Vous prenez des décisions qui doivent être réfléchies, qui doivent être mûries. Et quand j'ai pris cette décision de me présenter, c'était une réflexion qui était réfléchie et mûrie, avec un projet précis, une envie précise, qui était de dire les Vosges, les Vosges, les Vosges, et la nécessité de rappeler l'importance de notre territoire, qui a des vraies forces et des vraies qualités, l'envie de défendre ce territoire, mais aussi l'envie de défendre et d'apporter sa pierre à l'édifice dans nos institutions, dans notre beau pays qu'est la France. Quand on regarde votre parcours, on peut y voir une logique, puisque en tant qu'entrepreneur, vous avez aidé beaucoup d'associations. Oui, c'est encore le cas, mais de toute façon. Je suis quelqu'un qui est extrêmement proche du milieu associatif, parce que c'est des vraies forces pour notre territoire. Dans la troisième circonscription des Vosges, c'est plus de 1400 associations qu'il y a. C'est des personnes qui donnent de leur temps, qui pour la plupart sont, la grande majorité même, sont bénévoles, et qui contribuent à l'attractivité de notre territoire et au dynamisme de notre territoire. On n'aurait pas ces personnes-là, on n'aurait pas ce milieu associatif, ce serait catastrophique pour notre territoire. Donc oui, il faut les aider. Je les aidais quand j'étais entrepreneur, et je continue à être présent, à essayer de les aider autant que je peux maintenant que je suis député. Comme on est dans les chiffres, combien représente en habitants et en nombre de communes cette troisième circonscription des Vosges ? Alors, la troisième circonscription des Vosges, c'est 41 communes. Alors, on dit, pour rigoler, bien sûr, toujours 42, parce qu'il y a le Haut-du-Taux, mais le Haut-du-Taux est rattaché à Sapois. Donc, il y a 41 communes et c'est à peu près 82 000 habitants. Votre particularité, puisqu'on a évoqué le moment où vous décidez de vous présenter aux législatives, ensuite, il a fallu faire campagne, vous avez décidé d'aller dans ces 41 ou 42 communes pour à chaque fois proposer de débattre avec les gens en réunion, enfin en tout cas en séance publique, ce que tout le monde n'a pas fait. En tout cas, vous, c'était votre choix d'aller dans toutes les communes de la circonscription. Alors j'étais le seul candidat en effet à l'époque à faire les 41 communes, et j'ai fait 42 réunions publiques parce que j'en avais fait une aussi haut du taux. Mais oui, en effet, la majorité des autres candidats s'étaient contentés des chefs-lieux de canton. Moi, je pars du principe que quand on se présente pour défendre la ruralité, pour défendre les spécificités de nos petites communes, on ne peut faire campagne qu'en allant à la rencontre de tous les habitants de ces petites communes, et non pas en sélectionnant uniquement les plus grosses. Vous êtes le député de cette circonscription, mais autour de vous, il y a quand même pas mal de monde, il y a une équipe. Bien sûr. On peut en citer quelques-uns. Déjà, Nadine Perrin, qui est votre suppléante, maire de Basse-sur-le-Ru. Mais Nadine, qui est quelqu'un de formidable, qui m'a beaucoup aidé pendant la campagne, qui est, oui, en effet, madame le maire de Basse-sur-le-Ru, et qui a été vraiment partie prenante dans cette campagne, et que je remercie vraiment. Et on se régulièrement au téléphone ou même de visu pour échanger. Il y en a d'autres que vous voulez mettre en avant qui vous ont aidé pour cette campagne ? Mais il y a beaucoup de personnes m'ont aidé, parce que tout seul, on ne fait pas grand-chose. Même si la décision de partir, elle doit se faire seule, à un moment donné, c'est toute une équipe qui se construit autour. Alors, c'est sûr que je peux saluer les deux élus qui, à la base, m'ont vraiment soutenu, que sont Dominique Péduzzi, qui est le maire de Fraisse et président de l'association des maires des Vosges, et Véronique Mathieu, ancienne députée européenne, qui sont d'ailleurs, au moment du lancement de ma campagne, ce sont les deux élus qui ont pris la parole pour soutenir ma candidature. Mais à côté de ça, il y en a énormément d'autres, beaucoup de maires, et je ne veux pas tous les citer parce que j'aurais peur d'en oublier quelques-uns. Donc beaucoup de maires qui m'ont vraiment soutenu. des conseillers départementaux aussi. Dès l'instant où Patrick Lagarde et Jérôme Mathieu s'étaient retirés, le président Vanson aussi, François Vanson, l'ancien député, que je remercie aussi, qui m'a derrière apporté son soutien, tout comme d'ailleurs Patrick Lagarde et Jérôme Mathieu, une fois qu'ils avaient décidé de ne plus se présenter. Donc voilà, c'est un ensemble de personnes, et il y a beaucoup de maires. Je pense au maire de La Forche qui était partie prenante. En termes d'élus, c'est ça. Après, en termes de bénévoles, il y en avait énormément. Bien entendu, ma mandataire financière, qui est un poste extrêmement important dans une campagne, qui est aussi adjointe à la mairie du Tilleul. Philippe Spilbout, aussi ancien maire de Saint-Maurice, qui s'est occupé de tout l'aspect logistique de cette campagne. Donc oui, il y a eu vraiment énormément de monde autour de cette campagne. On est parti avec un petit groupe de 5-6, et à deux semaines des échéances, on était 200-250. Donc c'est pour ça que tous les citer, ce serait très compliqué. Mais voilà, énormément de bénévoles qui étaient présents pour me soutenir. Et que je remercie encore. Vous avez été largement élu ? J'ai été élu. Au deuxième tour, c'était combien le pourcentage ? 61-39. 61-39, en effet. Oui, bah après, voilà, c'est... La seule chose que j'espère, c'est aujourd'hui être digne du vote des électeurs. Je fais tous les jours ce travail du mieux possible avec une seule idée en tête, c'est notre circonscription, notre montagne vosgienne et notre pays, parce que le député est présent à l'Assemblée et a un rôle national. Donc voilà. C'était peut-être pas gagné à la base, étant donné que vous n'êtes pas issu du milieu politique. Ça, c'est quand même pas banal non plus. C'est-à-dire que jusqu'à cette élection, vous n'aviez eu aucun mandat de quelque sorte. Tout à fait. Alors, je suis l'un des seuls députés à l'Assemblée nationale à avoir été élu sans investiture de parti politique et à ne pas être encarté aujourd'hui. Parce que moi, je dis toujours, je le répète souvent dans les manifestations, mais moi, je dis toujours, les Vosges d'abord, la politique après. Et je pense que c'est quelque chose qui est important, même si j'ai des idées. J'ai une sensibilité, mais à ce jour, en tout cas, je ne suis pas encarté. Sensibilité qui est ? Bon, j'étais élu sous l'étiquette divers droite. Hein. J'ai une sensibilité qui est de centre, centre-droite, divers droite. Voilà. D'ailleurs, vous êtes, puisqu'on va parler... Julien, tu prendras la parole ? Tu voudras dire, je demander quelque chose ? Si vous faisiez partie d'un groupe politique au Parlement. Bah voilà, c'était exactement ça. Alors, je fais partie d'un groupe parlementaire qui s'appelle le groupe UDI Agir et Indépendant, où je suis l'indépendant de ce groupe d'ailleurs, parce que les autres députés de ce groupe parlementaire étant soit dans ce parti politique qui Agir, qui sont des LR ayant quitté les LR, l'UDI, le parti de centre que beaucoup de personnes connaissent, et Indépendant. Et moi, je suis resté indépendant. Mais pour être tout à fait honnête, j'aurais aussi pour rejoindre le groupe parlementaire des LR en tant qu'apparenté, j'aurais pu. Voilà, il y avait différentes possibilités. D'ailleurs, c'est des questions qu'on m'avait posées pendant la campagne, et j'avais dit, très honnêtement, on verra au moment précis. Et voilà, je vis plutôt bien dans mon groupe. Quand j'ai des messages à faire porter, je les porte. Et j'ai cette mentalité, entre guillemets, un peu d'indépendant et de Vosgien, parce que vous savez que les Vosgiens ont la tête dure. Donc j'ai un peu cette mentalité-là. Et voilà. Comme on parle des groupes à l'Assemblée nationale, c'est justement le moment, et Julien est intervenu au bon moment, puisque de parler du fonctionnement. Concrètement, vous, comment ça se passe en tant que député, par exemple, une semaine type, comment vous arrivez à partager votre temps entre le terrain ici dans votre circonscription, dans les Vosges, et puis à Paris, à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon ? Alors, ma semaine type, elle est simple. Le lundi matin, c'est beaucoup de discussions, de planification de la semaine à venir et de la semaine suivante. Donc c'est avec mes équipes, beaucoup à la permanence, du travail de planification. Le lundi après-midi, j'essaie d'être présent à l'entreprise ou dans des manifestations. Le mardi, le mercredi et le jeudi matin, je suis présent à Paris. Alors pour les groupes d'études, les groupes de travail... Les groupes d'amitié, le travail en hémicycle, donc l'étude des textes, les commissions, je suis parti aussi bien de la commission des affaires étrangères que de la commission des affaires européennes, donc deux commissions. Donc le mardi, le mercredi, le jeudi matin, c'est un mélange de ces cinq activités. Je rentre souvent le jeudi après-midi. Le jeudi après-midi, j'ai pris une habitude, c'est de visiter une entreprise. Tous les jeudis après-midi, je visite une entreprise de la circonscription où je peux échanger aussi bien avec les responsables qu'avec les salariés sur leur quotidien, sur les points, toutes choses sur lesquelles ils auraient envie de discuter avec moi. Le jeudi soir, je participe à des manifestations organisées dans la circonscription. Le vendredi, je suis toute la journée à ma permanence, où il y a des rendez-vous qui sont pris, donc je vois entre 10 et 20 personnes suivant les vendredis. Le vendredi soir, beaucoup de manifestations. Le samedi, j'essaie d'être un peu au magasin une demi-journée et dans des manifestations le reste de la journée. Samedi soir, manifestation. Et dimanche, des manifestations organisées dans la circonscription. Donc ça, c'est une semaine type du député Christophe Nejlen. Le jeudi, les entreprises, est-ce que c'est vous qui les choisissez et votre équipe, ou alors ceux qui nous écoutent, qui ont une entreprise, peuvent vous appeler à la permanence et puis vous demander de venir? Mais avec grand plaisir, en fait, c'est un peu les deux. C'est des personnes que je rencontre lors de manifestations auprès des associations ou autres qui me disent, tiens, on a un projet, ce serait sympa que vous passiez, et donc on organise comme ça, ou alors des entreprises sur lesquelles je prends l'initiative ou mon équipe d'appeler pour les rencontrer. Toujours avec un objectif qui est de... Il y a cinq cantons dans cette troisième circonscription. Il y a trois communautés de communes, donc vraiment répartir pour être à chaque fois... englober l'intégralité des territoires, que ce soit Xonrue, Gérardmer, Liézet, comme le Val d'Ajol, Plombières, comme la vallée de la Moselle, comme la vallée de la Moselotte, comme le canton de Remiremont. Pour les permanences du vendredi, chacun peut vous demander un rendez-vous et vous pouvez recevoir tout un chacun. Tout à fait, exactement. Il suffit d'appeler à la permanence. Si le rendez-vous est très urgent et que malheureusement je ne suis pas disponible, mes collaborateurs prennent le rendez-vous, m'en réfèrent derrière et on s'occupe d'agir très rapidement, ou sinon un vendredi à la permanence sans souci. Quelles sont les raisons pour lesquelles on vous demande un rendez-vous ? Elles sont multiples, énormément de cas. J'ai presque envie de dire, c'est un cas par personne. Donc je ne peux pas faire de généralité parce que toutes les personnes que je vois, là depuis le début de la mandature, je vous disais tout à l'heure que j'étais à peu près à 450 manifestations dans la circonscription et j'ai dû recevoir 320-350 personnes à la permanence, mais il y a autant de cas que de personnes que j'ai reçues. Pour le fonctionnement à Paris, c'est essentiellement au Palais Bourbon ? Ou ça peut être dans d'autres lieux, les commissions, tout ça, c'est au Palais Bourbon? C'est au Palais Bourbon ou dans les bâtiments annexes du Palais Bourbon. Il y a le travail dont vous nous avez parlé un petit peu avec vos commissions, vos deux commissions, au sein de ces commissions, le travail aussi avec votre groupe. Et puis les questions au gouvernement qui peuvent être posées de deux façons différentes, hein, ou dans l'hémicycle, ou alors par écrit. Vous, je crois, à peine arrivé, hein, vous aviez déjà pris la parole dans l'hémicycle. Oui, alors, je suis dans les 100 députés les plus actifs, selon les statistiques, hein, à l'Assemblée nationale. Oui, parce qu'il y a juste, je vous coupe, excusez-moi, mais pour dire aux gens qui ont envie de suivre l'activité de leur député, puisqu'avant on disait, oui, il n'est pas très présent, pas vous, hein, mais certains pouvaient parler de leur député en ayant des doutes sur sa présence au Palais Bourbon. Maintenant, il y a un site, par exemple, nosdéputés.fr, où on peut voir la présence des députés, leur action, etc. C'est très bien. Alors ce site-là, même si techniquement il est un peu biaisé, c'est-à-dire que suivant la taille du site, il est normal que vous ayez, suivant la taille du groupe, il est normal que vous ayez pas forcément le même nombre de co-signatures, parce qu'un groupe de 100 personnes ou 300 personnes va forcément proposer à co-signature beaucoup plus de choses qu'un groupe de 18 ou de 30 personnes. Tout comme la participation dans des commissions. Quand vous êtes à la commission des affaires sociales, par exemple, qui est la commission qui a été chargée de la loi sur un avenir professionnel ou de la loi travail en début de mandat, elle a beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de textes que certaines autres commissions. Donc, à un moment donné, il faut en prendre, il faut aussi en laisser. Mais oui, en règle générale, le site est plutôt pas trop mal fait. Mais il y a aussi tout simplement le site de l'Assemblée nationale qui reprend toutes nos interventions. En tout cas, vous l'avez compris et vous le savez si vous suivez l'actualité locale. Hein, Monsieur Neijen est très présent, que ce soit ici localement ou à l'Assemblée nationale. Pour les questions, concrètement, comment ça se passe quand vous avez envie d'interpeller le gouvernement? Il y a une procédure à respecter. Quelle est-elle? Alors, il y a trois possibilités, quatre même, d'interpeller le gouvernement. La plus connue sont les questions gouvernement, comme on appelle les QAG, qu'on voit le mardi et le mercredi, qui sont retransmises en direct à la télévision, donc de 15h à 16h sur LCP. Et ces questions-là, en fait, ça se discute suivant la taille du groupe, vous en avez plus ou moins. C'est-à-dire que mon groupe parlementaire, moi, on a deux ou trois par semaine suivant les semaines. Et en fait, c'est en réunion de groupe le mardi matin qu'on arbitre quelle question doit être posée. Donc chaque député ou les députés qu'ils souhaitent viennent avec leur sujet en le défendant, en disant tiens, moi je serais intéressé à proposer une question sur tel sujet, voilà les raisons pour lesquelles je souhaite poser ces questions. Et après, les membres du groupe valident les députés qui poseront la question. Ça, c'est la première façon. Il y a aussi ce qu'on appelle les questions orales sans débat, qui, là, on est plus sur des sujets plus en rapport vraiment avec le terrain et plus local, où vous posez une question au ministre concerné par votre question. Le ministre vous répond et derrière, vous avez un droit de réponse encore après sa réponse, chose qu'on n'a pas dans les questions au gouvernement. Après, vous pouvez interpeller le gouvernement, bien entendu, avec des lettres, des courriers officiels ou à l'oral, parce que c'est vrai que tous les ministres, on les voit les mardis et les mercredis avant et après les questions au gouvernement. Et il y a les questions écrites. Les questions écrites, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi, où là, le gouvernement, les services du gouvernement sont obligés de nous répondre. Alors, ils mettent des fois un peu de temps. Oui, j'allais vous le dire, ça prend combien de temps? Alors, normalement, ils ont 2 mois pour nous répondre. On se rend compte que depuis le début de la mandature, on est plus près des 4 à 5 mois que des 2 mois. Mais néanmoins, ils sont obligés de nous répondre. Et c'est important parce que moi, j'ai posé beaucoup de questions écrites, une quarantaine à peu près, je crois, suite à des réunions dans les manifestations. Un artisan qui travaille le bois qui me dit, aujourd'hui, quand on fait des jouets en bois, on va bientôt avoir les mêmes obligations qu'une grande entreprise. Une personne qui me parle des remboursements pour les cures thermales, qu'on sera plus remboursé, que le déplacement et l'hébergement n'est plus remboursé. Tous des petits exemples comme ça qui font que ça donne envie d'interpeller le gouvernement et ça nécessitera forcément une réponse de leur part. Et moi, ça me permet derrière d'être le relais, parce que c'est l'un des rôles du député, c'est vraiment d'être l'un des relais entre le gouvernement, entre ce qui se passe au niveau national et le local, et de leur apporter des réponses. Quoi qu'il en soit, vous avez toujours une réponse. Oui, alors des fois, ce n'est pas une réponse qui nous suffit, des fois, ce n'est pas une réponse qui nous convient, mais en tout cas, ils nous répondent. Mais, par exemple, j'ai dû, concernant la TEOM et la REOM, donc la taxe sur les ordures ménagères, j'ai interpellé 2 fois le gouvernement via des questions écrites. Pourquoi 2 fois? Parce que la première fois, la réponse, c'était le ministère de l'Action et des Comptes Publics qui m'avait répondu, ne correspondait pas exactement à la philosophie, à ce que j'attendais de la réponse. Donc je lui ai reposé une question plus précise en reprenant certains de ces éléments. Ça doit être impressionnant quand on monte à la tribune pour s'exprimer devant toute cette assemblée. C'est une belle maison. J'ai toujours dit que j'avais été élu pour travailler, donc j'y vais pour travailler. Les locaux sont en effet très beaux, c'est chargé d'histoire, c'est une belle responsabilité, mais c'est avant tout un travail et il faut le faire le plus sérieusement possible, en tenant pas forcément compte des fioritures, de tout ce qu'on peut voir autour, mais en étant pragmatique et en travaillant. Vous aviez évoqué toutes les possibilités d'interpeller le gouvernement ? Alors de tête, comme ça, brûle pour poche, je dirais oui, mais il y en a peut-être d'autres qui me reviendront. Lou et Julien, est-ce qu'il y a des points précis sur lesquels vous voudriez questionner Christophe Neijlen? Des points précis? Oh, il y en a beaucoup trop pour les aborder aujourd'hui. Tous des points qui concernent notre pays, notre planète, tout ça pourrait être abordé, mais je pense que on n'a pas encore parlé de points concrets. Et je pense que actuellement, beaucoup se questionnent sur l'hôpital de Remiremont. Quel en est-il de sa situation? Alors, l'hôpital de Remiremont, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. ça a été un grand sujet pendant la campagne aussi des législatives. À l'époque, on ne parlait pas de l'hôpital, on parlait uniquement de la maternité. Oui. Il faut reprendre en arrière ce qu'on disait il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, à l'époque, j'étais pas élu, et on disait, il y a de fortes chances qu'on supprime les services de chirurgie et le service de maternité. Et à ce moment-là, ça avait généré beaucoup d'angoisse de la part de la population. Et d'ailleurs, des associations s'étaient construites et qui ont fait, il faut le reconnaître, un très bon travail à ce moment-là. Pendant la campagne des législatives, c'était la problématique de la maternité. C'est pour ça que je me suis saisi du dossier dès l'instant où j'ai été élu, en sollicitant... La première fois que j'ai rencontré la ministre Agnès Buzyn, je lui ai dit, je vais tout de suite parler de la maternité de Remiremont. Je me souviens exactement de sa réponse. C'est, monsieur le député, vous savez, aujourd'hui, en France, j'ai 311 dossiers de maternité à fermer. 311 dossiers de maternité sur le territoire français. Et je lui ai dit, j'entends votre réponse. Par contre, moi, j'ai la maternité de Remiremont et je voudrais avoir un rendez-vous avec vous au ministère. J'ai eu ce rendez-vous sur lequel le sénateur Daniel Gremillet était venu à ce rendez-vous. Il y avait le directeur général de l'ARS. On a expliqué, en se faisant le porte-parole aussi de la communauté médicale Romarie Montaigne, qui avait déjà travaillé sur un projet. Donc, en parlant aussi de notre aspect géographique, topographique, les distances de route, notre climat qui, forcément, quand il y a de la neige... Quand le temps est bas, les hélicoptères ne peuvent pas voler. Voilà, plein d'arguments pour dire qu'aujourd'hui, il y avait nécessité de maintenir cette maternité impérativement à Remiremont. Suite à ça, on en a eu un deuxième. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu 622 rendez-vous de prix. Donc, quand elle parlait de 300 maternités au départ, moi, j'ai eu 2 rendez-vous. Le dossier de la maternité de Remiremont, le ministère de la Santé et l'ARS Grand Est le connaît et en entend parler. Et tous les acteurs ont été mobilisés, qu'on aille du maire au président du conseil départemental, aux associations, tout le monde s'est mobilisé, et c'est grâce au travail de tout le monde qu'on a maintenu cette maternité. Après, il y a d'autres problématiques qui sont arrivées derrière, mais en tant que député, je ne suis pas au conseil de surveillance de l'hôpital. C'est-à-dire que pour le service de cardiologie... Je l'ai appris quasiment en même temps que vous. Peut-être un jour avant, parce que j'ai un élu qui m'a envoyé un message pour me prévenir. Mais typiquement, n'étant pas présent, n'étant pas élu, n'étant pas membre du conseil de surveillance de l'hôpital de Remiremont, c'est sûr que mes moyens d'action sont aussi plus limités. J'ai par contre bataillé, en tout cas demandé, et ça a été accepté pour être au comité de pilotage des 2 hôpitaux. Et ça, cette requête a été acceptée. Et là, oui, ça permet d'échanger. Il y a, autour de la table, il y a la communauté médicale Romarie Montaigne, la communauté médicale spinalienne, les représentants de l'ARS, les 2 présidents de conseil de surveillance, que sont Michel Andrich pour Épinal, les Jean Ingret pour Remiremont, le président du conseil départemental François Vanson et d'autres personnes de l'administration. Alors, peut-être qu'il n'y a pas assez de personnes représentant les hôpitaux, je peux l'entendre, hein, on entend cette remarque quelquefois, mais ça permet d'être informé aussi et de travailler sur le sujet. Et la réalité des faits, il y a un article qui est paru, je crois que c'était en Vosges Matin hier ou avant-hier, qui résumait plutôt très bien la situation, qui est de dire aujourd'hui l'hôpital de Remiremont perd 3,5 millions, l'hôpital d'Épinal perd 7 millions, donc en cumulé, c'est 10 millions d'euros qui sont perdus chaque année, voire sans doute plus. Et il y a un besoin de travailler pour essayer de combler ce déficit. Moi, là, le point qui m'interpelle et sur lequel je suis le plus vigilant, en fait, il est double. Et déjà, bien entendu, la population et le service de soins à la population, c'est extrêmement important. Mais je pense aussi à tous les salariés de l'hôpital de Remiremont. Parce qu'à un moment donné, et d'ailleurs quand la presse m'avait interrogé, j'avais tenu vraiment à dire ça, pensons aux 800 salariés de l'hôpital de Remiremont, mais aussi aux hôpitaux, que ce soit les hôpitaux du Tillot ou de Bussan, qui sont indirectement reliés à cet hôpital, et même aux salariés de l'hôpital spinalien, parce qu'à un moment donné, il n'est pas cohérent de faire des déclarations, de faire peur, sur des choses qui, aujourd'hui, n'ont pas encore été décidées. Alors, il y a des menaces, il faut rester vigilant, il faut que tout le monde soit vigilant, les associations, les élus. On met tous les jours la pression auprès de l'ARS. Moi, c'est un dimanche, il y a 3 semaines, à 14h de l'après-midi, j'étais avec la directrice générale déléguée de l'ARS au téléphone pour parler de cet hôpital Romary-Montain. C'était pas décidé, parce que c'était la sensation qu'on avait, la maternité. On avait l'impression que c'était décidé, ça devait fermer. Tout ce qui allait suivre, c'était juste une officialisation d'actes. Ah non, finalement... la maternité reste, ça je peux vous le garantir. La question que se pose actuellement le directeur de l'hôpital et l'Agence régionale de santé, c'est pour la partie néonatalité de la maternité. Donc la maternité de Remiremont, l'année dernière, c'est 752 accouchements, dont 50 en néonat. Donc, Pour les 700, pour la maternité en soi, et on la maintient, ça c'est sûr et certain. Il y a des interrogations sur la partie néonatalité. On maintient tous les services de chirurgie en ambulatoire, parce que le ministère de la Santé a donné une indication claire à l'ARS en disant on veut arriver à 70% d'actes ambulatoires d'ici 2022. Et aujourd'hui, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais il me semble que l'hôpital de Remiremont doit être à 38% d'actes en ambulatoire, l'hôpital d'Épinal doit être à 46%. Et donc, ils disent aujourd'hui, il faut qu'on arrive avec la médecine qui se modernise aussi, des nouvelles technologies qui sont utilisées en médecine, on doit arriver à 70% d'actes ambulatoires d'ici 2022. Je ne vous dis pas que c'est justice et que ce serait normal. Je vous dis ce que le ministère de la Santé envoie comme message à l'ARS. Et à partir de ce moment-là, il est dit, donc, on fait toutes les spécialités en chirurgie à Remiremont, en chirurgie ambulatoire à Remiremont et à Épinal. Et la problématique qu'on a, c'est sur la chirurgie conventionnelle, où les équipes, les communautés médicales disent « Ah bah, faudrait tout remettre sur un site », mais la communauté médicale Romary-Montaigne dit « Faudrait qu'on ait tout à Remiremont », la communauté médicale spinalienne dit « Faudrait qu'on ait tout à Épinal ». Et en copile, on a dit « Bah attendez, à un moment donné, spécialisons les hôpitaux, mettons la partie ortho, traumato sur le site Romary-Montain et la partie ophtalmo, qui est déjà le cas d'ailleurs, et la partie digestive sur l'hôpital d'Épinal. » C'était ce qui avait été convenu en copile, plus ou moins acté, et sur lesquels, d'ailleurs il y a eu une déclaration officielle de l'ARS à ce sujet-là, et sur lesquels c'est remis sur le... c'est en rediscussion actuellement, mais une fois de plus, je ne suis pas au conseil de surveillance des hôpitaux, ils seraient bien mieux placés que sur ce sujet précis pour en placer, parce qu'en disant, bah oui, mais on nous demandait 10 millions d'économies, maintenant il semblerait qu'on nous en demande 15, quel arbitrage on fait? Les communautés médicales disent, ah bah oui, mais c'est bien, mais en fait, non, nous, ça ne nous convienne pas qu'on découpe comme ça. Donc à un moment donné, c'est très compliqué, beaucoup okay. d'acteurs, et nous en tant qu'élus, en tant qu'élus de la 3e circonscription des Vosges, j'essaye de faire le maximum pour dire... Pensez bien, bon, la maternité, on en a parlé, on est l'hôpital qui fait le plus d'actes de maternité des Vosges, et on fait beaucoup plus d'actes chirurgicaux que l'hôpital d'Épinal. Et l'hôpital d'Épinal, lui, ce qu'ils ont comme argument, c'est que c'est l'hôpital central qu'Épinal est au centre des Vosges. Voilà, il y a des arguments pour les deux. L'important... c'est de travailler ensemble l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Le piège c'est toujours de vouloir opposer. C'est ça. Et pour moi, il ne faut pas opposer, mais par contre, il faut que tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, on voit beaucoup plus les praticiens de Remiremont aller à Épinal que les praticiens d'Épinal venir à Remiremont. Et donc, à un moment donné, il faut que tout le monde joue le jeu. Il faut que la communauté médicale Romary-Montaigne a été la première à proposer quelque chose. Elle a force de proposition à proposer un plan. Quand Épinal a vu que ça devenait un peu compliqué, ils ont proposé aussi quelque chose, mais bien après. Et aujourd'hui, j'entends dans la presse qu'ils nous disent « Ah mais oui, mais les praticiens d'Épinal sont prêts à aller à Remiremont. » Je dis très bien. Les paroles, c'est très bien. Maintenant, des actes. Montrez que vous êtes capable de faire, vous êtes aussi capable de venir à Remiremont et qu'on puisse commencer à vraiment discuter, mais que l'hôpital de Remiremont ne devienne pas une filiale de l'hôpital d'Épinal, mais que les deux hôpitaux puissent travailler main dans la main sur un pied d'égalité. J'aurais encore beaucoup à vous demander. On ne va pas tarder à vous libérer. On peut parler peut-être un petit peu de, de la radio. Oui. Et qu'est-ce que tu veux dire sur la radio? Que les locaux ont été refaits il y a 3-4 ans, c'est oui. Ce que vous m'avez dit. Moi, je pensais juste par rapport à... c'est pas vraiment la radio. L'aspect montagne au niveau du Parlement, alors, c'est compliqué. Si on parle avec des gens qui sont dans les Alpes, on est quand même un peu dans la plaine, hein, c'est une butte. Ouais, alors si on est, je suis désolé, là je peux pas accepter. Non mais je peux pas, on non, est mais, une moyenne montagne. À mon avis, on je est peux pas à accepter la fois... qu'on dise ça des Vosges, qui est une ouais. montagne à part entière, qui est une montagne plus âgée que la montagne alpine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas tout à fait la même topographie. Mais non, c'est une vraie montagne. C'est une vraie contrainte. Il y a un groupe d'études. Qui est le groupe d'études montagne dans lequel je fais partie. On a aussi bien des élus du Doubs, dans ce cas-là, que des Vosges, que des Alpes, que des Pyrénées. Et, et c'est là où les groupes d'études sont extrêmement importants. Vous arrivez à défendre correctement, à faire avancer la spécificité montagne, moyenne montagne. Il y a une loi montagne. Il y a une loi montagne qui existe. C'est quand même quelque chose d'extrêmement... fort et frappant. Il y a une loi montagne qui d'ailleurs nous donne certaines spécificités. C'est son article 18, si je ne me trompe pas, qui dit que de toute façon, la spécificité montagne fait que nous devons avoir à proximité des services d'urgence, des services de maternité, etc. Ouais, mais il y a... Et j'ai parlé de la radio, du coup, c'est pas le plus important. Mais j'ai découvert un truc quand je suis rentré dans la radio. Moi, je suis rentré pas dans la radio. Pour l'aspect technique, je suis avant tout un technicien passionné des technologies. Bon, je suis devenu président parce que ça m'intéresse aussi, mais comme vous avez vu, parler, c'est pas du tout mon fort, mais c'est la technique, un petit peu l'administration, l'administratif, ça m'intéresse aussi. C'est pas toujours agréable de remplir des papiers, mais c'est pas inintéressant. Oui, il faut tout. Ouais, il faut le faire. Hein. Et j'ai découvert quelque chose. Dans une zone où il y a des montagnes comme nous, les émetteurs, on peut pas, le CSA peut pas, pour des raisons techniques, accorder les mêmes puissances que dans les plaines, parce que les ondes, elles se propagent, elles vont rebondir, et nous, radio, dans une montagne, on a une difficulté, c'est que pour avoir la même zone, on parle juste en kilomètres carrés de couverture de radio, mais il faut plus de moyens techniques. C'est pas une question, hein, j'en parle, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peu connu. Parce que notre géographie fait qu'il n'y a pas trop le choix, tout comme qu'on dépense, on utilise plus la voiture que quand on habite Paris, c'est certain. Moins de transports en commun, c'est plus dur à mettre en place. Ça fait partie de notre spécificité montagne. La spécificité montagne, c'est... des avantages et certains inconvénients, mais c'est surtout un territoire où il fait bon vivre, et qu'il est important de défendre. Et tout comme la ruralité, moi ça toujours la ruralité est l'un des éléments que je défends le plus dans mes prises de parole à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut pas que notre gouvernement pense que la France c'est uniquement Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, mais que notre ruralité a plein de choses à offrir. Il faut pas oublier que le département des Vosges est encore le 6e département le plus industrialisé de France. C'est pas négligeable. On a toujours tendance à se regarder en disant on a perdu énormément. L'industrie textile, par exemple, c'est vrai que dans les années 50, l'industrie textile dans les Vosges, c'était 30 000 emplois. Aujourd'hui, c'est plus que 3 000. Donc, on a perdu énormément d'emplois, mais on reste des vallées encore industrialisées, avec encore un bassin d'emplois qu'il faut déjà maintenir. C'est le premier point. Le maintenir et après essayer de le développer si on peut. Et d'ailleurs, mercredi à Paris, j'ai 40 chefs d'entreprise du label France Terre Textile qui viennent à Paris. J'ai organisé avec Paul de Monclos, président du label France Terre Textile, un rendez-vous entre ces entrepreneurs et les députés pour qu'on discute de la filière industrielle française, du fabriqué en France et de la filière textile et du label France Terre Textile, Vosges Terre Textile. Donc ça va être une belle réunion. On a déjà, je crois que c'est une quarantaine de chefs d'entreprise qui viennent, dont une dizaine vosgiens, et il y a déjà un peu plus d'une quinzaine de députés qui m'ont répondu qu'ils seraient présents. Est-ce que dans les personnes présentes dans le studio de Radio Gémozo aujourd'hui, il y en a qui auraient des questions pour le député. Moi, je veux bien. Ah ben alors, faut prendre un micro. Je vais faut s'approcher. Non, non, bouge pas. Je vais le prendre. Sur les jours du président, c'est possible. Voilà. Non, moi, je vais appuyer notre président parce que nous, on a un gros problème d'antenne en ce moment avec des problèmes de finances, hein, évidemment, puisque on doit énormément d'argent pour maintenir notre antenne. Tu peux en parler ça, puisque on paie actuellement à peu près. On loue un service chez une entreprise qui fait ce genre de service d'antenne avec des pylônes très connus qu'on ne citera pas. Non, donc aujourd'hui on loue et on cherche à être un peu plus indépendant pour des raisons économiques. Financières, oui, parce qu'on ne vit qu'avec les dons de l'État. On ne vit qu'avec les dons de l'État et les dons des gens qui veulent bien nous aider, hein, parce qu'on est quand même une petite radio. Publiques, quand même. Mais les dons de l'État, quoi, c'est des subventions. Et oui, c'est une bonne subvention même. Oui. Hein. Mais calculez voir, hein, avec 1 200 euros, hein, par mois que l'on doit donner pour le maintien de cette antenne. On voudrait être un petit peu plus à l'aise financièrement et demander moins finalement dans les subventions. On a les deux emplois qui sont deux ou trois emplois, hein, avec les emplois aidés. Et finalement, une petite radio comme nous, est-ce que vous en parlez dans la montagne, quoi, dans les... Alors, il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, il y a une commission des affaires culturelles. Oui. Et donc, c'est vrai que c'est plutôt eux qui se saisissent de ces problèmes-là. Oui, que ce soit le problème des radios, de tous les médias, en règle générale. Après, pour la spécificité montagne, concernant les ondes radio, je vous avouerai que c'est un tout petit peu pointu et je serais bien incapable de répondre à votre question. Mais voilà, question. C'est pour ça que Julien est assez fort là-dessus et que nous avons des problèmes. Voilà. C'était plutôt une information qu'une question. Ouais. C'était plutôt une information qu'une question parce que je me doute bien que c'est très pointu. Mais c'est un petit point, c'était un petit peu... c'était un aspect que je n'avais pas pensé quand... Quand j'ai commencé à me poser la question sur diminuer le coût d'exploitation d'un émetteur tout en augmentant son efficacité, je me suis rendu compte de cette particularité et j'étais très surpris. Et dans les textes, il n'y a absolument rien qui prévoit cette spécificité. Donc on ne va peut-être pas en parler maintenant, c'est un peu trop compliqué. Oui. Mais voilà, mais c'est un aspect. La question est posée et notée. Voilà. Très bien. Vous avez des engagements, je crois, pris pour le restant de l'après-midi à venir. Oui, j'ai quelques engagements, mais il n'y a pas de souci. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre... Non, jusqu'à la fin de l'après-midi, les questions. Moi, ce que je propose, dites-moi, c'est que vous reveniez, qu'on reprenne mais avec grand plaisir pour une émission. Pourquoi pas avec Lou à 18h pour l'heure des loups. Et je serai là, si tu veux, Lou. Avec plaisir. Mais avec grand plaisir. Ça pourrait être sympa en tout cas de vous retrouver. C'était la première fois que vous recevez dans ce studio. Et me concernant, c'était avec joie. En tout cas, je voulais juste vous remercier pour ce moment parce que c'était extrêmement agréable. Juste signaler que voilà, les engagements. Il y a vraiment un article de la Constitution d'ailleurs qui le dit. Une différence dans les collectivités, une indépendance des collectivités. Et c'est vrai que quand on prend des mairies, des communautés de communes, conseils départementaux, conseils régionaux, qui sont eux plutôt des exécutifs, les sénateurs et députés, eux, ont plus un rôle législatif de voter la loi, bien entendu, d'amender la loi, de contrôle d'action du gouvernement et de relais du territoire auprès du gouvernement et de nos instances nationales. Et c'est vrai que souvent, vous me demandez les types de personnes qui venaient me voir. Et d'ailleurs, ça correspond un peu aux questions qui me sont posées quelquefois, et même ici. C'est-à-dire, à un moment donné, ce n'est pas forcément de la compétence du député. Mais c'est par contre mon rôle derrière d'essayer d'apporter des réponses et d'orienter vers les collectivités ou les personnes qui pourraient être en charge de ça. Et c'est un des rôles aussi que j'ai. Mais en tout cas, je voulais juste vous remercier pour votre invitation et dire à vos auditeurs, comme à vous-même bien sûr, que je suis à votre disposition, que ce soit à la permanence ou lors de manifestations, pour quoi que ce soit. Merci Christophe Negelen, notre député, celui de la 3e circonscription Merci. Des Vosges. Merci. Les portes ouvertes continuent à Radio Gamozo. Vous pouvez venir nous rejoindre ici. Les programmes vont s'enchaîner. Dans quelques instants, vous allez retrouver Dominique, que vous avez entendu, hein, qui a épaulé Julien tout à l'heure. Dominique avec Tonton Michel pour une lecture. Alors, je ne sais pas ce qu'il vous réserve. Hein. Vous verrez ou vous entendrez si vous voulez seulement rester derrière votre poste. Un peu plus tard, après Tonton Michel et Dominique, il y aura Gilou qui reçoit le duo Fabien et Anaïs. Ensuite, j'ai oublié, oui, il y aura Monsieur le maire, Michel Demange. Eh oui, si j'oublie Michel, ça ne va plus, rien ne va plus. Et on a une petite... Non, faut pas oublier Michel. On va se retrouver dehors. Qui est quelqu'un président de la communauté d'agglomération, la communauté de communes aussi. Quelqu'un de très... Et que je rencontre souvent lors des manifestations, aussi très présent sur notre territoire. Et qui est aussi un fidèle de Radio Gamozo, qui vient au moins une fois par an lors de la porte ouverte. Et ça sera le cas tout à l'heure, après Dominique et Tonton Michel. Donc, c'est une fois l'intervention de Michel, et je crois qu'il y aura aussi Julien Ballant, qui est adjoint à la mairie de Saint-Nabor, chargé de communication et d'animation. Qui s'est marié récemment. Et oui, on lui souhaitera tout à l'heure, on lui dira bon mariage. Et puis, juste après, il y aura, oui, c'est quoi ces signes? On fait de la radio, on parle, on ne fait pas du mime. Il y aura l'association Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Étienne-Hermiremont qui viendra prendre le micro aussi. Ils sont invités, voilà, donc ils viendront prendre le micro. C'est hein. ça. Ils ont le droit, hein. C'est la porte ouverte, n'est-ce pas? Tout le monde est bienvenu. Et puis Jacques Simard et Calou seront là aussi, certainement à partir de 17h. Ils joueront en live dans ce studio. Lou également, pour finir la journée, vous proposera sa playlist. Ça va danser dans le studio Radio Gamozo et chez vous, si vous nous écoutez. On marque une pause, les signaux en musique, et on se retrouve juste après. À tout de suite. C'est parti. Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simple et à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Mini à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce, Maya à l'industrie. Je déclarerais public toutes les pâtisseries, opposition néant. Si j'étais président, si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique. On ferait des trucs marrants. Si j'étais président, je recevrais la nuit le corps diplomatique dans une super disco à l'ambiance atomique. On se ferait la guerre à grands coups de rythmique. Rien ne serait comme avant si j'étais président. Aux bornes des fontaines coulerait de l'orangeade. Coluche, notre ministre de la rigolade, imposerait des manèges sur toutes les esplanades. On s'éclaterait vraiment si j'étais président. Je serai jamais président de la République. Vous les petits malins, vous êtes bien sympathiques, mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique. Pas besoin d'être président pour aimer les enfants.